entendu un gros boum. Enfin, tout a pété. La police. C'est de la merde. L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. À tous et à toutes dans le magazine Libertaire sur JTFM. Donc le magazine Libertaire a lieu tous les mercredis de 12h05 à 13h30 en direct sur JTFM 91.2 et sur JTFM.fr. Ici, on cause de l'actualité des luttes de la France et du monde qui pue et on essaie de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas ou peu dans d'autres médias. Vous pouvez nous contacter en direct dans le studio au moment de l'émission au 02 28 25 23 88 et sur maglib@rizob.net. Sinon, vous pouvez retrouver nos podcasts sur maglib.noblogs.org. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur Vincenzo Vecchi, dont nous avons parlé la semaine dernière. Nous accueillons un membre du comité de soutien de Vincenzo. Bonjour Germain. Bonjour. Et pour rappel, en fait, Vincenzo a été arrêté début août suite au lancement de deux mandats d'arrêt, donc parce qu'il avait participé à des manifestations à Gênes en 2001 et à Milan en 2006, et il est accusé de dévastation et saccage. Excusez-moi. Il est actuellement à la prison de Vézin-le-Coquet à côté de Rennes, et en attendant que la justice se prononce sur son renvoi ou non en Italie. Donc, avant d'échanger avec Germain, nous allons rappeler le contexte de Gênes. Ouais, de faire un petit déroulé de l'émission peut-être. Donc, comme tu viens de le dire, Marilyn, là, donc on va travailler un peu le contexte parce que c'est aussi important de faire un retour sur les faits. C'était en 2001. Aujourd'hui, on est en 2019. Il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, donc ça permet à notre avis de situer un peu les faits et la gravité de certains faits. Donc là, j'ai trouvé très récemment un article qui synthétise assez bien sur Paris Lutte Info sur ce qu'a été Gênes pendant ces trois jours. Donc je vais donc faire une lecture en duo avec Marilyn. Et après, nous discuterons sur la situation de Vincenzo. Voilà. Donc je commence. Voilà, donc le contexte. En novembre 1999, à Seattle, le sommet de l'Organisation mondiale du commerce est annoncé comme historique. Il doit sceller la puissance du capitalisme sur l'URSS tombée quelques années plus tôt. Oui, on est à la chute du mur de Berlin, c'est en 1989, donc 99, ça fait 10 ans. Mais le sommet officiel est très largement perturbé par des manifestants et manifestantes. C'est le début d'une nouvelle séquence de lutte qu'on appellera plus tard altermondialiste. Hétérogènes, ces manifestants et manifestantes s'opposent à l'ultralibéralisme. Voilà, qui est une des formes que l'on connaît dans nos sociétés du capitalisme. L'ultralibéralisme, au changement climatique, à la spéculation financière et à la dette des pays émergents. Et pour certains, au capitalisme tout simplement. un slogan relativement partagé de l'époque est « Un autre monde est possible ». En Europe, quelques contre-sommets significatifs sont organisés comme celui de Prague en septembre 2000 contre le Fonds monétaire international, un mois avant Gênes. Lors d'un sommet de l'Union européenne à Göteborg, en Suède, un policier tire sur un manifestant et le blesse gravement. Le contre-sommet de Gênes arrive donc dans un contexte de montée en puissance de la contestation des institutions qui dérégulent et gèrent le monde. Pour saisir aussi l'ambiance de l'époque, il est alors globalement admis que les tactiques différentes de manifestation pouvaient cohabiter, ce qu'on appelait sur le moment la diversité des tactiques. Dans les mêmes rassemblements internationaux, donc on pouvait trouver ce qu'on appelle encore le Black Bloc, le Pink Bloc, par exemple. Grâce à l'Internet naissant, donc c'est aussi l'émergence d'indie media, des réseaux indie media à l'époque. Les groupes peuvent se coordonner comme jamais jusqu'ici. Le contre-sommet de Gênes arrive aussi dans un contexte national particulier. En Italie, la répression contre les militants de la gauche radicale n'est pas encore un lointain souvenir et les années sanglantes du long mai rampant ne sont pas totalement estompées. Là, on parle de l'époque des années 70 jusqu'au début 80. Et on parle même d'un cycle qui commence dans les années 60 pour se terminer entre 79 et 80. Quelques mois avant le G8, Berlusconi arrive pour la première fois au pouvoir avec une coalition regroupant aussi des petits partis fascistes. Le sommet de Gênes semble être le parfait terrain pour un affrontement entre la gauche radicale italienne et la droite extrême de Berlusconi. Dans les semaines qui précèdent le sommet, la tension monte en Italie et à Gênes en particulier. Plus les jours se rapprochent et plus l'occupation policière s'intensifie au point de mécontenter grandement les habitants et les habitantes. Les accords de Schengen, donc 1992 sur la libre circulation des biens et des personnes, en Europe sont levés. Et c'est le cas pour chaque sommet en général. Les gares de Gênes sont fermées. Une zone rouge est destinée dans les rues de la ville et est matérialisée par une grille métallique de plusieurs mètres de hauteur. Cette zone est réservée aux sommets officiels et aux résidents et résidentes. Une grande zone jaune qui prend la moitié de la ville est interdite à toute manifestation. Pardon pour la lecture. Quelques jours avant le sommet, des colis piégés explosent dans des casernes, des perquisitions se multiplient et les flics fouillent et menacent les personnes qui semblent être altermondialistes. L'État italien fait savoir par la presse qu'il a commandé 200 sacs mortuaires qui sont stockés dans une morgue de la ville. Trois petits points. La veille de l'ouverture du Genoa Social Forum, la tension est grande. Le contre-sommet de Gênes. Le 19 juillet se déroule une manifestation unitaire de plusieurs milliers d'altermondialistes en soutien aux migrants-migrantes. La consigne de ne pas faire déborder cette manifestation en raison de la présence de nombreux sans-papiers est respectée. De gros sound systems sont dans les rues et sur le mode Reclaim the Street. L'ambiance est festive, sans trop de présence policière. Des conteneurs ont été installés en travers de certaines rues pour compléter la grille de la zone rouge. La manif est un succès. Le 20 juillet, c'est la journée annoncée comme la plus offensive. Les groupes sont libres d'exprimer la diversité des tactiques de lutte. Il y a par conséquent plusieurs manifestations et rassemblements dans la ville ce vendredi. L'idée générale qui domine, c'est de s'approcher au plus près de la zone rouge et de la prendre d'assaut si cela est possible. Quelques pôles. Les syndicats de base autonome, les COBAS, manifestent tout à l'ouest de la ville, loin des affrontements à venir. Piazza Mana est un lieu de rassemblement autorisé ce 20 juillet à Gênes. Des militants non violents, genre chrétiens de gauche, tiennent un sitting sur la place à plusieurs centaines de mètres de la zone d'exclusion. Ils et elles ont les mains peintes en blanc. Attaque et compagnie se retrouvent devant la grille de la zone rouge à Piazza Dante pour contester de manière pacifique et symbolique. ils se feront tout de même repousser avec des lances à eau. Au même moment, un pink bloc de plusieurs centaines de personnes avec comme slogan « ni héros, ni martyrs, ni macho » se faufile dans les rues au nord de la zone rouge et parvient par surprise à s'approcher des grilles Piazza Corvetto. Vers 15h, des grappins prévus à cet effet sont lancés contre les grilles et les manifestants tirent sur les cordes. Malheureusement, ou très heureusement, les maillons de la grille lâchent avant les structures. La grille reste en place et la pression des lacrymogènes et des lances à eau se fait plus forte. Le cortège reflue, lui aussi, en direction de Piazza Manin, dans un ordre relatif. De l'autre côté de la ville s'élance l'immense cortège des Tutiers Bianchi et les désobéissants. Ce sont 15 000 à 20 000 personnes, dont plusieurs milliers équipés de boucliers en plexiglas, de mousse sur les avant-bras et de casques de moto qui partent du stade Carlini à plus de 3 km de la zone interdite de manifestation, la fameuse zone jaune. Le cortège est massif, déterminé, les sonos des camions lancent des sans armes, sans pierres, sans bâtons. Le cortège se veut offensif, mais dans une logique de désobéissance civile radicale. Aussi, la stratégie retenue était de repousser les policiers le plus loin possible grâce à d'immenses barrières de plexiglas mobiles qui devaient servir de tampon entre les carabineries et les manifestants manifestantes. Dans l'après-midi, c'est déjà pas mal le chaos. Au nord de la zone rouge, la Piazza Manin, seul lieu autorisé pour un rassemblement et occupé par des pacifistes et des reliquats du Pink Bloc, se fait très violemment charger. Des personnes gisent dans des flaques de sang. C'est un balai d'ambulances incessant. Le Black Bloc, qui avait traversé la place quelques minutes avant, en provenance de la prison pour mineurs de Marassi, a continué son chemin et s'est dispersé plus loin, sans oublier d'incendier nombre de voitures. De l'autre côté, les désobéissants se font très violemment charger avec des camionnettes ou des blindés. Ils sont encore loin de la zone interdite, mais la police a décidé d'attaquer plus tôt. Dans un premier temps, le cortège encaisse. Mais sous les coups de pression répétés, il faut comprendre des charges ultra-violentes, la tête commence à se désagréger et la colère a monté de plus en plus dans les cœurs des dizaines de milliers de manifestantes. Il est clair que tenir l'assaut policier sans violence et sans pierre ne sera pas possible aujourd'hui. Alors la situation dégénère complètement. Pendant des heures, ce sont des charges et des contre-charges. Via Tolémède, des véhicules et une colonne de carabinerie doivent reculer dans la panique. Un militaire sort son arme de poing, des véhicules militaires sont abandonnés, pillés, puis incendiés. On verra des grenades lacrymaux tirées en direction des policiers par des manifestants. Du côté policier, c'est la férocité en tout lieu. Les personnes qui ont le malheur de se retrouver à portée de matraque font littéralement éclater. Hommes, femmes, vieux ou jeunes, aucune pitié. Des dizaines et des dizaines de personnes baignent dans leur sang, les sirènes d'ambulance sont constantes. Plusieurs personnes sont inconscientes au sol. Une sorte de climat chilien s'installe dans les rues. Le centre de convergence est attaqué. Des blindés légers sont dans les rues. La situation en de nombreux points de la ville est incontrôlable. Depuis les matins, le bruit des hélicoptères de la police est permanent. Des centaines de personnes sont arrêtées dans la rue ou à l'hôpital. Ces personnes sont emmenées dans des lieux réquisitionnés par la police, dont la sinistre caserne Bolzaneto. Vers 17h, les combats de rue continuent. Déjà, des coups de feu ont été entendus. Une femme s'est fait renverser dans une charge de blindés. Elle est dans le coma. La situation est confuse et le cortège principal des désobéissants a implosé dans le quartier du Corso Torino. Des membres du Black Bloc et d'autres tendances ont rejoint le cortège des désobéissants. Lors d'une charge de manifestants, une jeep des carabinieri se retrouve coincée et prise à partie par des émeutiers. À 17h26, Carlo Giuliani, un Génois de 23 ans, prend une balle en pleine tête tirée depuis l'arrière de la Jeep. Il se fera par la suite rouler dessus par la Jeep et laisser au sol Piazza Alimonda. Il meurt sur le coup. Le soir, un calme relatif règne sur Gênes. Toute la ville est arrêtée. Les bus sont coupés et c'est une ambiance de terreur dans la rue. Ceux et celles qui le peuvent se retrouvent au centre de convergence du Genoa Social Forum sur le front de mer. Tout le monde est choqué. Le stade Carlini où logent les Tutti Bianchi est encerclé. Des centaines de personnes passent la nuit au poste. La plupart seront copieusement tabassés et pour certains torturés par des carabinieri fascistes. Tout le monde se demande comment la grande manifestation du lendemain va se passer. Le 21 juillet, une manifestation unitaire monstre a lieu à Gênes. 200 000 à 300 000 personnes tentent de défier comme elles le peuvent. En effet, la police va dès le début copieusement arroser le cortège de gaz lacrymogène. Un bon millier de personnes lui font face et lancent des projectiles au niveau du front de mer, là où se trouve le point de convergence des haltères. Beaucoup scandent « assassini » en direction des policiers. Puis c'est le délire. Après les provocations policières, c'est le gazage général et toute la manif est une charge extrêmement longue et brutale. La manif est coupée en deux. Une partie continue sur le parcours officiel. L'autre moitié de la manifestation est chargée sans discontinuer avec parfois des blindés pendant de longues heures. Les manifestantes et manifestants de tous âges n'ont d'autre choix que de refluer. Les flics tabassent de sang-froid n'importe qui. Il y aura des centaines de blessés graves. Le soir du 21 juin, le centre média des altermondialistes situé dans l'école Diaz est pris d'assaut par 300 policiers qui défoncent les portes, matraquent encore sans vergogne la petite centaine de personnes présentes et détruisent méticuleusement le matériel de prise de vue et les ordinateurs. Plusieurs dizaines d'entre elles partent sur les civières des urgences sous l'œil des caméras. C'est une expédition punitive qui fait penser aux heures sombres des dictatures d'Amérique latine. Après le contre-sommet. Après ces jours tragiques, la tendance pour les seigneurs du G8 sera d'être moins ostensible. Les prochains sommets internationaux se réfugieront dans des stations de ski, des stations balnéaires comme à Évian en 2003. De plus petites villes, plus facilement contrôlables par les autorités. Les contre-sommets autorisés seront loin des centres de réunion officiels. Cependant, l'image des grands de ce monde bunkerisé, en rupture avec la population, ne se démentira jamais plus. Le contre-sommet de Gênes a été un tournant pour le mouvement altermondialiste, et pas que d'ailleurs. Jusqu'à Gênes, la dynamique était avec les contestataires. Chaque sommet était l'occasion de se rencontrer, d'échanger des tactiques et expertises et d'approfondir la lutte. Une certaine candeur quant à la possibilité de changer le monde immédiatement est tombée ces jours de manifestation, en tout cas pour certains. Les événements nous ont rappelé que même dans un état dit démocratique, la police et l'armée n'hésiteront pas à tirer sur la foule pour défendre les intérêts des puissants. La forme du contre-sommet aussi sera largement questionnée par la suite. Est-il pertinent de se retrouver à l'endroit choisi par l'adversaire avec une concentration de troupes à notre désavantage ? Ne suivons-nous pas le calendrier des puissants au lieu de fixer nos propres échéances ? Malgré ces questions, pas complètement résolues, la forme du contre-sommet a perduré, comme le montre l'exemple récent du contre-sommet du G20 à Hambourg ou encore celui contre le G7 dans le Pays Basque. Voilà, donc là c'est une présentation contextuelle, un petit moment musical. Pour replacer le contexte de Gênes, ouais, c'est ça. En 2001. On va faire une pause musicale et on se retrouve ensuite pour échanger avec Germain pour parler donc de l'actualité du comité de soutien et du retour sur le procès qui a eu lieu la semaine dernière à Rennes, jeudi matin. Co 30 carini ma catta in vigna Mi la cattai sopra una montagna cui si cipolo gras, poi cui la vigna. Povera vigna mia, lavora e magna. Povera vita mia, lavora e magna. Tanta e tanto per fare un castello, credendo che era io lo castellano. Ma dopo fatto prezioso e bello, le chiavi mi spariro bella di limani. Stanotte ci sono stato, domani notti puro. Io mi ne vai, io manco se mi portano allo scuro. Io mi ne vai, io manco se mi portano allo scuro. Stanotte ci sono stato a dormire sul tuo cavallo. Io mi ne vai, io manco se mi arresto maresciallo. Io mi ne vai, io manco se mi arresto maresciallo. Stanotte ci sono stato e accava cinque giorni. Io mi ne vai, io manco se mi sfonda non li corna. Io mi ne vai, io manco se mi sfonda non li corna. Zio mio d'America pulia la barba fatta. In mancanza di sapori si fece comprato di maccheroni. In mancanza di sapori si fece comprato di maccheroni. Stanotte ci sono stato, domani notti volo. Io mi ne vai, io manco se mi portano allo scuro. Io mi ne vai, io manco se mi portano allo scuro. Oui, vous êtes de retour dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 à Nantes. Donc nous retrouvons Germain. Bonjour Germain. Bonjour. Donc du comité de soutien Vincenzo. Donc tu on discutait hors antenne, tu me parlais des procès tu voulais revenir un peu sur le procès les procès de Gênes. C'est ça, parce que là la contextualisation qui a été faite est très importante, elle permet vraiment de resituer ce qui s'est passé ces jours de juillet 2001, et elle montre la répression qui a pu avoir, la répression policière sur les corps et les esprits durant ces journées. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est après le passage à tabac de la rue, il y a eu le passage à tabac devant les tribunaux, qui a commencé à partir de 2004, où la justice italienne a arrêté, après Gênes, de nombreux militants en Italie. Et en 2004 commence le procès des 25, qui va durer jusqu'en 2012. La dernière procédure qui a lieu là, en cour de cassation en 2012. Et c'est un très long procès de cette année qui se termine 11 ans après les faits. Et donc, durant ce procès, la police italienne a cherché à montrer, à mettre en épingle et à construire des manifestants violents responsables des violences à Gênes, tout en justifiant la répression policière par un procès en parallèle de la police, pour faire croire à une équité judiciaire par rapport aux événements de Gênes. Mais là-dessus, il faut souligner que le policier qui a tiré sur Carlo Giuliani n'a jamais été en prison, que les policiers ont bénéficié en 2006, les policiers qui étaient présents, les carabinieri qui étaient présents dans la rue en juillet 2001, ont été amnistiés, et que durant toute la procédure contre les 25 de Gênes en 2004, qui sont devenus par la suite les 10 de Gênes, dont fait partie Vincenzo, notre ami Vincenzo. Les policiers ont été condamnés en 2012 à 5 ans d'interdiction d'effectuer un travail dans la fonction publique. En parallèle, les 10 de Gênes ont reçu 100 ans de prison, principalement sur le motif de dévastation et saccage, qui ressort du code Rocco, du code pénal Rocco, mise en place sous Mussolini en 1930. Et donc l'équité des peines voulue par la justice italienne pour une dénonciation complète est complètement inéquitable. Et donc c'est là-dessus, c'est cette condamnation que Vincenzo a fui en 2012. Et c'est pour ça qu'il est venu à Rochefort-en-Terre. Et toute cette affaire nous a été éclairée. Nous est apparue seulement il y a 2 mois, après son arrestation le 8 août à Rochefort-en-Terre. Et depuis le mois d'août, vous êtes constitué en comité de soutien pour justement dénoncer en fait ces injustices, en fait, mettre déjà à jour en fait. C'est ça, c'est quand, au moment de son arrestation, en 8 août à Rochefort-en-Terre, dans notre petit village de Bretagne, on est d'abord tombé des nues par rapport à ce qui s'est passé, le fait qu'il y ait une brigade des fugitifs, qu'il y ait une dizaine de policiers qui viennent arrêter Vincenzo à sa porte. Et à partir de là, on a compris, on a fait des recherches, on a cherché à savoir pourquoi. Le comité de soutien s'est monté très rapidement. Et ça a permis de réveiller pour certains les souvenirs de gêne qui étaient enfouis, parce qu'on parle d'événements qui ont eu lieu 18 ans auparavant. Et que certains ne connaissent pas, peut-être, n'ont jamais entendu parler. Pour les plus jeunes, c'est quelque chose de très lointain. Et donc ça a permis de voir ce qui s'est passé. À partir de là, on s'est renseigné, il y a un infokiosque qui s'est monté, il y a eu beaucoup de recherches, et on a pu voir que quand on a appris que Vincenzo devait retourner en Italie pour 12 ans de prison, et qu'on a vu ce qu'il y avait pu avoir en face, ce qu'a été Gênes, ce massacre qu'a été Gênes, ça nous a permis de mobiliser énormément de personnes et tout un territoire pour essayer de garder auprès de nous notre ami. Quand les flics sont venus chercher Vincenzo, est-ce qu'ils ont fait comme d'habitude, par exemple venir à 6h ou 7h du matin en cassant tout l'appartement, ou c'était simplement de venir en plein après-midi et avec un mandat? Comment ça? C'est plutôt la deuxième solution, c'est qu'ils sont venus le récupérer. Le récupérer, on n'est pas sur une procédure habituelle que les militants connaissent en France. C'est la procédure de la brigade des fugitifs, qui est une brigade qu'on méconnaît beaucoup. Et donc ils sont venus le chercher tout naturellement. Ils étaient nombreux quand même. C'était une douzaine, je crois. Oui. Voilà. Et donc à partir de là, à partir d'août, la mobilisation a permis de médiatiser ce qui se passait, parce que l'objectif de l'Italie, c'était de le récupérer. L'objectif de la France, c'était de s'en débarrasser. Et donc, durant les premières heures, durant les premiers jours, il y avait un silence radio sur Vincenzo. Nous, on avait très peu d'informations. On savait qu'il avait été arrêté, on savait à peu près où il était, on savait qu'il était parti à Rennes, mais on n'avait aucune information supplémentaire. Mais on a réussi rapidement à se mobiliser, à trouver un avocat, à monter un comité de soutien en 48 heures, qui rassemble plus de 150 personnes. Et à rendre public l'histoire aussi. Ouais. Ce qui s'était passé. Ouais. Et de permettre à Vincenzo que la procédure se déroule selon les règles du droit. Et ce qui nous a permis, à travers cette mobilisation, durant les 2 mois qui viennent de se passer, de révéler énormément de choses sur lesquelles on reviendra. Oui, ça a permis de fouiller aussi, de se renseigner sur les procédures, sur les moyens qui peuvent être mis en œuvre justement pour que Vincenzo ne retourne pas en Italie. Oui, ça a permis de gagner du temps en fait. C'est ça, c'est jusqu'à maintenant. Très probablement, il serait reparti en Italie en quelques jours. Et Salvini, qui était encore au gouvernement à l'époque, aurait pu célébrer ce retour dans le pays comme il l'avait fait quelques mois auparavant avec Cesare Battisti. Et à travers l'arrestation de Vincenzo, ça aurait pu permettre à l'État italien, à la société italienne, à la justice italienne et aux policiers de clore un chapitre, celui du G8 de Gênes. Car ce qui s'est passé en juillet 2001, ça a vraiment marqué le pays. Ça a ouvert un... C'est resté dans les esprits, en fait. Ouais. Complètement. Il y a une procédure qui a duré 11 années. Une instruction qui a duré 11 années. Avec des peines extrêmement lourdes, comme tu disais, jusqu'à 15 ans de prison. Un siècle de prison pour 10 manifestants. Oui, avec une disproportion entre effectivement des manifestants ou manifestantes présents sur le moment et des policiers. Parce que tu parles d'équité, mais l'équité, c'est, j'ai envie de te dire, c'est aussi c'est le contraire de l'égalité. C'est-à-dire l'équité, ça veut dire qu'on considère qu'un même fait où une même situation est identique. Or, on sait aussi qu'un policier, son travail, c'est de, faut le dire comme c'est, hein, c'est de maintenir l'ordre et de réprimer. Oui. Lui, il est dans une fonction. Donc là, d'un côté, il y a une fonction, et de l'autre, il y a des individus qui eux ne sont pas dans cette fonction. C'est ça qui est aussi paradoxal. Donc c'est un État qui, est très répressif par rapport à sa population, et de l'autre, est plus laxiste, d'une certaine manière. Oui, il a pu être laxiste sur les condamnations des policiers. Et ce qui s'est passé durant toute cette procédure qu'il y a eu en Italie, durant ces procès en miroir, c'est de comparer comme il arrive la même chose aujourd'hui en France également et dans de nombreux pays, c'est de savoir ce qui s'est passé à Gênes. À Gênes, il y a eu des violences. À Gênes, c'est vrai qu'à Gênes, il y a eu des vitrines cassées. Il y a eu des voitures brûlées. Mais à Gênes, il y a aussi eu un manifestant qui a reçu une balle dans la tête de la part d'un carabinieri. Il y a eu des actes de torture qui ont été condamnés par Amnesty International, par les droits de l'homme européens, qui ont même été reconnus en 2016 par un commissaire de police présent dans les médias italiens, a reconnu ces actes de torture commis notamment dans l'école Diaz et dans la caserne Bolzaneto. Et tout le travail médiatique qui a été construit autour de ça durant les années 2000, c'est de mettre en parallèle et de mettre sur la même ligne un manifestant assassiné et une vitrine cassée. Oui, de mettre sur le même plan à des gens équipés, surarmés militairement, étant là pour réprimer, face à des gens désarmés, autrement dit des corps nus. Si on parlait d'équité, il faudrait que les gens d'en face aient le même équipement, d'une certaine manière. Sur ce point, c'est intéressant de parler de l'armement, car ce qui s'est passé par rapport à Vincenzo, c'est que en 2012, il a été condamné en cour de cassation. Il y a une de ses peines dans son dossier qui a été enlevée. Malheureusement, dans le mandat d'arrêt européen, elle y était toujours dans le mandat d'arrêt européen de Gênes. Et dans les médias, que ce soit italien ou français, quand ils parlent depuis 2 mois et demi de Vincenzo, ils répètent ce mensonge de la procédure italienne comme quoi Vincenzo était équipé d'une arme. Et ce qui est central, jusqu'en 2012, jusqu'au dernier procès en cassation, la justice italienne et la procédure, le parquet italien, mettaient une arme dans les mains de Vincenzo, ce qui a été cassé dans la cour de cassation, ce qui a fini par être cassé dans la cour de cassation. Et donc il est réapparu dans le mandat d'arrêt, mais du coup, il n'avait rien à faire là, quoi. Il n'avait absolument rien à faire là. Et dans le mandat d'arrêt, là, depuis quelques minutes, on s'est centré sur Gênes, mais il y a deux mandats d'arrêt européens. Oui. C'est qu'il y a le mandat d'arrêt européen de Gênes, qui intervient après la condamnation définitive de la Cour de cassation de Milan en 2012, ou de Gênes. Et il y avait un second mandat d'arrêt européen pour la manifestation antifasciste en 2006. Et pour contextualiser rapidement, à Milan, cette manifestation en 2006 était une contre-manifestation antifasciste à la suite d'un rassemblement autorisé par l'État italien d'un groupuscule Fiamma Tricolore qui faisait un hommage à Mussolini. En 2006, dans les rues de Milan, un hommage à Mussolini était autorisé. Et il me semble que dans la constitution italienne, c'est interdit. C'est interdit. Maintenant, comme vous avez pu le passer la semaine dernière dans votre émission, quand Jean-Baptiste du comité de soutien le disait, la question le rapport au fascisme et à la mémoire fasciste est en train d'évoluer. Le rapport à Mussolini est en train d'évoluer en Italie. Mais en 2006, c'était quelque chose d'extrêmement choquant. Et donc c'est pour ça que de nombreux manifestants, des milliers de manifestants, se sont rassemblés à Milan en mars 2006 pour organiser une contre-manifestation qui a subi une répression totale et qui s'est faite nasser, où la police en a profité pour arrêter une quarantaine de manifestants, dont Vincenzo. Et c'est à partir de son procès, à la suite des événements de la contre-manifestation de Milan, il a été condamné à 4 ans de prison. Et du coup, il était encore, le fait d'inculpation était encore dévastation. Il l'était pour la première fois, dévastation et saccage. D'accord. Lorsque la procédure commence à Gênes en 2004, dévastation et saccage, donc ce texte qui vient du code pénal de Mussolini qui était utilisé en 1930 pour réprimer l'espace public ressort en 2006 lors du procès des contre-manifestants de antifascistes à Milan, oui. À Milan. Et c'est là que la dévastation et saccage est utilisé pour la première fois. C'est par ce biais-là que Vincenzo et ses camarades sont condamnés. Une première fois, ils sont condamnés à 4 ans de prison. Et par la suite, ce chef d'inculpation rentrera dans Gênes et permettra notamment à la justice italienne de parler de récidive concernant Vincenzo. Et donc, le 8 août de cette année, on apprend que Vincenzo a 2 mandats d'arrêt. Le mandat d'arrêt pour la condamnation de la manifestation vis-à-vis de la manifestation de Gênes et une seconde condamnation pour la manifestation antifasciste la contre-manifestation antifasciste de 2006 à Milan. Avec ça, lors de la première audience, la justice, le parquet français, l'avocat général, souligne que le mandat d'arrêt de Gênes est incomplet. Très clairement, le mandat d'arrêt de Gênes, comme je parlais tout à l'heure du port d'armes qui était encore présent dans le mandat, il y avait énormément d'incohérences, d'erreurs. Cependant, le mandat d'arrêt de Milan, lui, était un mandat d'arrêt, au vu de la procédure, tout à fait honnête, à première vue. Et par la suite, avec le travail du comité de soutien qui s'est monté de Rochefort-en-Terre jusqu'à Milan, de l'Italie en France, on a réussi à trouver un document officiel de la Cour d'appel de Milan de 2009 qui précise que la peine de Vincenzo Vecchi est purgée. Donc, dès la fin du mois d'août, on apprend que l'Italie a émis un mandat d'arrêt européen, a demandé à la France de remettre Vincenzo Vecchi pour un mandat qui est absolument pas valable et totalement irrecevable. C'est un mensonge éhonté. Oui, puisque la peine a déjà été faite. On ne lui demandera pas de faire 2 fois sa peine. Forcément, oui. Donc c'était forcément peut-être pour charger aussi le dossier. Exactement, c'est ça qu'ils ont précisé. Car à fin août, un supplément d'information a été demandé par rapport à Gênes. Et le texte de la Cour d'appel de 2009 sur le fait que Vincenzo ait purgé sa peine était sorti. L'Italie, avec beaucoup d'arrogance, dans le supplément d'information qu'a reçu le parquet français au début du mois d'octobre, justifie le fait d'avoir émis un mandat d'arrêt européen complètement falsifié, complètement faux, et il le justifie par rapport pour expliquer la procédure, pour expliquer qu'avec le mandat d'arrêt de Milan, on explique la double condamnation pour dévastation et saccage. Ils essayent de retomber sur leurs pattes après avoir été complètement déloyal vis-à-vis du parquet français. Et donc, pour ça que les Italiens sur ce dossier ont une arrogance assez incroyable. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce combat juridique, tu es d'office renvoyé dans le pays d'où tu viens, c'est ça ? À première vue, le mandat d'arrêt européen. Je ne sais pas si on revient dessus tout de suite, avant de parler de l'audience, mais c'est quelque chose d'assez automatique. La procédure doit se réaliser en 60 jours. Parce que tout à l'heure, tu disais que si vous n'étiez pas mobilisé, Vincenzo serait déjà en Italie et sous les verrous, pour le dire comme ça. Exactement, et il serait sous les verrous. Ils auraient pu, lors de l'audience, ils disaient que l'audience de fin août, que le mandat d'arrêt de Milan était recevable pour le renvoyer. Nos avocats, et les avocats de Vincenzo, ont précisé que les 2 mandats étaient forcément liés et qu'à partir de là, Gênes devait être complété. Et s'il n'y avait pas eu des avocats pour souligner, demander un supplément d'information au parquet, s'il n'y avait pas eu des avocats en lien avec le comité, au bout d'une semaine, dès la première audience, la France aurait renvoyé Vincenzo en Italie pour purger une peine sur la manifestation de Milan qui avait déjà été faite. Et on reviendra sur les mandats d'arrêt tout à l'heure. On voulait donc faire un point sur le procès qui a eu lieu, l'audience qui a eu lieu la semaine dernière, en fait, pour juger du renvoi ou non de Vincenzo en Italie. Est-ce que tu as eu des informations à ce sujet ? Oui, sur l'audience. Donc, comme la plupart des audiences qui se sont passées, il y a eu un fort rassemblement devant le tribunal de Rennes, devant la chambre d'appel au Parlement. Il y a eu une centaine de personnes présentes pour soutenir. Et ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est que, contrairement aux dernières audiences, Vincenzo était présent. car lors des audiences de liberté conditionnelle en septembre, Vincenzo était en visioconférence. En visioconférence, ouais. Quelque chose qui désormais est banal dans la justice française pour justifier pour des économies de coûts, des choses comme ça. Et Vincenzo était là, et ses avocats ont plaidé. Il avait trois avocats et avocates, Maître Glon, Maître Asselin et Maître Tessier, qui ont plaidé à trois et qui ont, grâce à leur travail, grâce au travail du comité, ont pu plaider vraiment sur des failles juridiques, comme celles qu'on a pu présenter sur le mandat de Milan, et sur plusieurs choses au niveau de la procédure ont été questionnées par nos avocats. Donc il y a plusieurs points pour pas rentrer trop profondément dans le juridique. Il y avait la question du date. Depuis le 8 août, on parlait des dates du mandat d'arrêt européen de 2012. Et en fait, ces dates ne correspondent pas. Et en termes de procédure, quand on est sur un problème de date, ça pose question. En 2012, c'est un mandat d'arrêt national qui est mis contre Vincenzo. Ce n'est qu'en 2016 qu'il y a un mandat d'arrêt européen. Donc en 2016, 7 ans après le fait qu'il ait terminé de purger sa peine, Vincenzo, il remet un mandat d'arrêt sur Milan. Il y avait des questions de respect du droit de la défense par rapport à des avocats italiens qui n'ont pas été contactés. Donc il y a eu des grosses failles qui ont été posées là-dessus. Il y a eu sur la question de Gênes. Ce qui se pose à Gênes, c'est que les événements ont lieu en 2001. Et le mandat d'arrêt européen se met en place en Europe en 2002 seulement. Et il y a une loi, il y a un article 40 dans la loi, dans le code pénal italien, qui souligne que les peines qui correspondent à des délits ou des crimes commis avant la date de mise en place du mandat d'arrêt européen relèvent de l'extradition et non du mandat d'arrêt. Donc là, dans ce cas-là, l'Italie aurait dû demander un processus d'extradition à la France et non envoyer un mandat d'arrêt européen. Donc ça peut invalider en fait le mandat d'arrêt. C'est une question de procédure qui pose question parce que, comme on reviendra sur le MAE, sur quoi repose le MAE, c'est sur la confiance mutuelle et la coopération loyale entre les pays. Il y a la question de, par rapport à Vincenzo, le fait qu'on ne lui ait jamais remis sa peine à purger, on ne lui a jamais remis un document officiel. Donc ça pose un problème juridique. Il y a la question de la double incrimination. Le fait que il est condamné pour dévastation et saccage sur les événements de 2001 et pour le mandat d'arrêt européen, il faudrait que ce chef d'inculpation soit également présent à ce moment-là en France. En France. Il faut que ce soit présent à la fois... Donc en Italie, enfin dans le pays qui demande qui émet le mandat d'arrêt, et dans le pays qui... Et ça est pour dévastation et saccage. Doit remettre la personne. On est sur une peine allant de 6 à 15 ans de prison. Donc il faudrait que pour cela, en France, on retrouve la même peine. On y arrive. Et il y a, juste d'un point de vue juridique aussi, il y a la question du principe de proportionnalité, cette peine de 11 ans et 6 mois de prison à effectuer en Italie. Elle pose la question de sur quoi est jugé Vincenzo. Sa condamnation repose sur une responsabilité collective de ce chef d'inculpation de dévastation saccage, où par simple concours moral on peut être condamné. Et ça pose la question de la présomption d'innocence. Est-ce que le fait d'être présent à une manifestation ou de type insurrectionnel nous rend coupable directement? Ce qui est jugé, c'est un peu l'intention et non pas les faits. C'est ça, on est sur un délit prédictif, sur une question de prédiction assez importante. Et bien sûr, une des dernières choses qui a été relevée lors de l'audience, que l'avocate, je crois que c'est Maître Asselin qui a relevé ça, c'était le fait, si la peine devait être effectuée, qu'il l'effectue en France. Parce que Vincenzo Vecchi a souligné depuis son arrestation sa volonté de rester en France. Et pour cela, il a été plaidé, cette demande, qui normalement doit être prise en compte, car c'est le principe d'exécution de la peine dans l'État français correspond au principe d'intégration. Quand on est là depuis plus de 5 ans dans le pays, oui. L'État français doit garder avec soi le prisonnier par rapport aux questions familiales, de proches, de sa vie sociale, pour ne pas qu'il y ait une rupture sociale supplémentaire. Donc c'est tous ces points qui ont été abordés lors de l'audience et qui ont été présentés aux juges qui maintenant délibèrent et vont présenter leur rendu de décision le 15 novembre où on saura si Vincenzo reste avec nous ou il décide de le renvoyer. Fait pour un truc moche, se tapent leur prévence aujourd'hui à la Santoche. Une fois la démensuration, fouille sa vente de toutes les poches, on fusionne même jusque dans le fion. La pargaloche et trottinette, mouchoir, la crivelle ou la cloche, on passe au souffle les autres armées. Après une douche sur le bateau, le double arôme pour un tout proche, vous fait mettre en célote de tout à la Santoche. Santoche. Ah, Santoche. Une table, un mauvais panier, un tabouret de bois qui brancroche, là tous les meubles du prisonnier. À la Santoche, si sauf que les gaffes les ont mis, le soir après le dernier coup de cloche, on dit bon ça tous les amis. Du courage et du sang, on gueule mort, remouche, vive la fauche. Pour ça l'on se cogne du 40 francs. Quand on court, on grotte des bifions, aux graines de tzin que l'on débauche, ou bien dans les chiottes où jacton. À la Santoche. Santoche. On pense toujours au 7 disco, à la Santoche. Quand on reçoit un peu de coups, on fume, on prend de la cantoche. Mais en grattant, on n'a pas de sous. Deux fois par semaine au parloir, si tout ce fini se décroche, ce sont les vieux, ils font les voir. Avec son lit, on va paquer le dimanche, on fait la bomboche. Ils nous font frotter le parquet, à la Santoche. Santoche. Ne va pas s'y courir, ne marchera en genre aux broches, écarte toujours avec plaisir. Le Santoche, Santoche. Bien qu'il ne va pas s'y courir, ne marchera en genre aux broches, écarte toujours avec plaisir. Le Santoche. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire, donc on vient d'écouter un morceau de musique, tu peux présenter. Là on vient d'écouter un morceau du groupe Mon Coiffeur est mort à la carrière fulgurante, où nous venons d'écouter Vincenzo à la basse. Super. Ah, merci beaucoup en tout cas. Merci. Et maintenant on voulait parler du mandat d'arrêt, donc toi après toutes ces histoires, cette histoire de mandat d'arrêt, comment tu définirais ce qu'est un mandat d'arrêt européen, puisque l'on est dans le mandat d'arrêt européen. Dans le mandat d'arrêt européen. Historiquement, le mandat d'arrêt européen, c'est la volonté de mettre en place un système juridique commun à l'échelle européenne, comme il y a après l'espace Schengen, comme on en parlait tout à l'heure, de 1982, après la volonté à travers tous les traités européens, la monnaie commune, il a fallu aussi essayer de mettre en commun les rapports judiciaires et principalement de faciliter en fait la libre circulation des prisonniers en Europe. Car avant le MAE, les procédures étaient des procédures d'extradition, ce qu'on peut connaître entre les pays hors Europe, avec la France par exemple. Et ces procédures d'extradition étaient très longues. Elle prenait en compte notamment le ministère des Affaires étrangères de chaque pays concerné. C'était vraiment quelque chose de lourd administrativement parlant, quelque chose de lourd politiquement pour les États. Et la procédure d'extradition, par exemple, pouvait être interrompue par par le pays où étaient les personnes demandées, notamment ce qu'on a connu en France dans les, à partir des années 80 au sujet des prisonniers italiens et la doctrine Mitterrand qui a permis à des prisonniers italiens condamnés, des prisonniers politiques italiens condamnés de rester, de pouvoir vivre en France sans repartir en prison là-bas. Après, la contrepartie, c'était de ne pas parler non plus hein, de cette histoire. Hein. C'était, c'était du donnant-donnant. Hein. C'est, faut, ça, faut, quand même, faut un peu le redire. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça, ça, ça a permis de, à certains de ne pas finir derrière, derrière les barreaux. Mais, et donc, le mandat d'arrêt européen est, est mis en place à partir de 2002, au même moment où, où l'euro est mis en place. Et c'est une question de facilitation de, des prisonniers, des personnes à juger en Europe, de faciliter le travail des États. D'accord. Alors tu, tu précises bien que c'est, ce sont les personnes qui sont recherchées, comme tu viens de le dire, pour effectuer des peines, mais aussi pour être jugées, pour être jugées lors d'un procès. Jugées lors d'un procès. On a pu voir récemment, concernant le G20 d'Hambourg, pour revenir sur les contre-sommets, pour le G20 d'Hambourg, actuellement, il y a Loïc qui est en, en prison... dans une prison allemande qui doit être jugée pour des faits qui ont eu lieu lors du G20 d'Hambourg. Et Loïc, qui a, au même titre que Vincenzo, a vécu plusieurs mois comme un fugitif à éviter la police française, a été récupéré à la fin de l'année dernière, en novembre je crois, et a été remis aux, aux autorités allemandes. Et actuellement, il est en prison dans l'attente de son procès. Et c'est sur ce modèle-là qui s'est passé. Il y a également eu récemment, au début de l'année, il y a eu une opération contre des lieux anarchistes et autonomes en Italie. Il y a eu trois opérations distinctes contre des squads, contre le milieu militant anarchiste. Et dans ces opérations, il y a des dizaines de personnes qui ont été arrêtées, qui vont passer en procès, qui sont actuellement détenues. Et il y a notamment eu des personnes qui sont parties en France, et on peut citer Natacha, qui a été arrêtée au début de l'année à Bordeaux, qui est italienne, et que la France a également remis aux autorités italiennes à la suite de ces opérations. Donc j'ai un chiffre qui apparaît dans Le Monde du 9 octobre 2019, qui disent que chaque année, il y aurait 18 000 à 19 000 mandats d'arrêt européens. C'est énorme. C'est un chiffre qui nous paraît énorme, mais... Je pense que ce qu'il faut savoir avec le mandat d'arrêt européen, c'est que là, on parle de prisonniers politiques, oui, de militantes, c'est ouais, l'utilisation du mandat d'arrêt européen, mais c'est également aussi pour la justice de délits, par exemple, des conduites en état d'ivresse, s'il y a des condamnations, là, un mandat d'arrêt européen peut être émis pour récupérer une personne pour qu'il effectue une peine de quelques semaines, quelques mois de prison. Le mandat d'arrêt européen concerne vraiment l'ensemble des délits d'un État et pour récupérer ses citoyens à condamner. C'est une procédure qui vise à accélérer les lenteurs, entre guillemets, des États nationaux. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le processus d'extradition peut être extrêmement long, sauf quand il est médiatique. Parce qu'il est médiatique, des fois, il est encore plus long, mais le mandat d'arrêt européen, la procédure doit être établie en 60 jours. C'est vraiment une accélération totale de la procédure. Là, concernant Vincenzo, ça a été reculé par rapport à la défense qu'il a pu avoir. Mais normalement, le mandat d'arrêt européen, le prisonnier ou la personne à juger doit être remis dans les 60 jours. Donc, comme tu viens de le dire, c'est vraiment une accélération totale de la coopération entre les États. Oui, alors que l'extradition... La procédure d'extradition prenait beaucoup plus de temps. Je voyais que c'était entre un an et demi de procédure. Et sur quoi repose ce mandat européen? Est-ce que Vincenzo correspond ou non au dispositif du mandat européen dans ses critères? Dans les critères, Vincenzo, c'est là-dessus que la défense a pu jouer, les avocats ont pu jouer, c'est que dans le mandat européen, il y a 32 critères qui rendent le mandat automatique. Une audience, on est renvoyé parce que c'est des critères de condamnation. Ça peut être pour le trafic humain, le trafic de drogue, des choses de droit commun assez importantes, dont le terrorisme, la participation à une organisation criminelle. Là, on revient sur la question du terrorisme aussi. Et donc, quand c'est une de ces 32 infractions, le mandat d'arrêt européen est automatique. Si, pour le cas de Vincenzo, qui a un mandat d'arrêt européen pour des condamnations de dévastation et saccage, qui n'existent pas directement, qui ne sont pas directement concernés par ces 32 chefs d'inculpation, ces 32 catégories d'infraction. Et c'est à l'État français de juger ce principe, de voir si le mandat d'arrêt européen est valable vis-à-vis de ça. On peut préciser que le mandat d'arrêt européen, ça repose sur la confiance, comme on disait tout à l'heure, la confiance mutuelle entre les États. Sauf que là, on voit bien que dans le cas du mandat d'arrêt concernant Milan, la confiance, elle est quand même un peu légère. Oui, c'est une déloyauté totale de la part de la justice italienne. Parce que pour monter ce système commun en Europe, comme tu le disais, c'est vraiment le principe confiance mutuelle, coopération loyale. À partir du moment où l'Italie, l'État italien, émet un mandat d'arrêt européen sur une peine déjà effectuée, qui émet un mandat d'arrêt européen totalement faux, on peut se poser des questions de loyauté, on peut poser la question même du mandat d'arrêt européen, comment on peut justifier un mandat d'arrêt européen quand les États émettent des mensonges comme ça. Ils émettent des faux, en fait. Même des enjeux politiques qui sont sous-jacents à cette précipitation aussi, quelque part. Parce que c'est dans cette affaire, c'est pourquoi maintenant ? La question, c'est vrai que le contexte est particulier. Vincenzo se fait arrêter le 8 août à Rochefort-en-Terre. Il y a le contexte, on peut revenir sur le contexte italien, où au début de l'année 2019, Cesare Battisti, c'est un ancien des Brigades Rouges, a été arrêté en Bolivie et a été remis à Matteo Salvini. Et à ce moment-là, Matteo Salvini a fait une demande à la France, à travers les médias, de remise des prisonniers italiens. Des prisonniers italiens condamnés lors de la période 70-80, lors de la période politique 70-80. Malheureusement pour lui, heureusement pour nos camarades, ce n'est pas possible juridiquement, c'est complètement inconcevable que l'État français puisse les remettre au vu du droit. À partir de là, on peut se demander si la traque de Vincenzo a repris de plus belle. Est-ce que c'est par rapport à son incapacité à arrêter les anciens prisonniers, au contexte italien du début de l'année où il y a eu des plans contre les milieux anarchistes extrêmement forts, extrêmement répressifs, que la traque de l'État italien aurait pu reprendre. Et il y a également l'idée de vengeance. L'État italien cherche à se venger de ces militants qui sont restés debout durant toute la procédure, durant tout le procès de Gênes. Durant 11 ans de procédure, ces militants sont restés debout jusqu'au bout. Ces militants ont choisi la liberté, comme deux autres camarades à Vincenzo. Ils sont trois à avoir vécu à l'étranger à la suite de 2012. Malheureusement pour Marina et Jimmy, ils se sont fait arrêter les années qui ont suivi. Et Vincenzo était resté comme un homme libre avec ses convictions. Et c'est l'État italien, 18 ans après les événements de Gênes, cherche à clore ce chapitre à travers la traque de Vincenzo. Ce qui est un peu paradoxal, parce que ça remet on enlève le couvercle de Gênes. Et donc ça veut dire qu'on revient sur des faits, on revient sur des pratiques. L'idéal pour l'Italie, le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a un gros caillou, mais vraiment une grande pierre qui est tombée dans la chaussure de l'État italien, c'est le comité de soutien. C'est quelque chose qui, je pense, ils n'avaient pas prévu. En se disant qu'arrêter Vincenzo à Rochefort-en-Terre, dans un village de 550 habitants, normalement, ça devrait passer inaperçu. Malheureusement, c'est un comité de soutien de 150 personnes qui s'est mobilisé en 48 heures. Et à partir de là, la procédure a dû s'effectuer dans les règles. Et s'il n'y avait pas eu cette mobilisation, le mandat d'arrêt européen aurait été réalisé en une semaine. En une semaine, Vincenzo était remis aux autorités italiennes. Et possiblement, il n'en aurait pas parlé avant son arrivée. Il aurait été remis comme un trophée de chasse au milieu du mois d'août. Il aurait été épinglé par le gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement 5 étoiles et la Ligue, qui est tombée depuis. Et Matteo Salvini aurait eu son trophée, il l'aurait présenté, et il aurait pu dire que c'était terminé. Malheureusement, le fait que la procédure doive suivre son cours normal, on en parle. Et on en parle depuis plus de 2 mois et demi. Et depuis 2 mois et demi, on revient sur Gênes. Et comme on l'a fait au début de l'émission, on rappelle aux gens qui étaient là-bas à l'époque, aux gens qui ont pu entendre en 2001 ce qui s'est passé, ce qui a pu être oublié en 18 ans. Cette mémoire qui s'était effacée face à la répression, face à la torture, face cette génération perdue en Italie, comme parlent nos camarades, est revenue sur la scène politique et médiatique en France et en Italie. Et je pense que c'était pas l'objectif de l'État italien que cette procédure dure aussi longtemps et que du coup on remue ce qui s'est passé et on remet l'histoire sur la table. Et quand tu dis génération perdue, là tu parles de militants déjà actifs ou des gens qui après Gênes se sont évanouis dans la nature, suite à ce qui s'est passé, donc de faire peur C'est, d'après nos camarades italiens, c'est vraiment le sentiment de peur qui a pu prédominer pour une partie de la gauche italienne du mouvement altermondialiste qui s'était constitué à la fin des années 90, au début des années 2000, qui était, il faut rappeler qu'il y avait plus de 300 000, 400 000 personnes dans les rues de Gênes en 2001, ce qu'on peut comparer aux chiffres qu'on a connus récemment au G7 de Biarritz. Les gens n'avaient pas peur de descendre dans la rue face à la violence qui s'est exprimée contre eux, la violence qui s'est exprimée dans la rue, qui s'est exprimée à l'école Diaz, à la caserne Bolsonaro. Les gens ne sont pas redescendus par la suite dans la rue. C'est ce mouvement de masse s'est fait pas éteindre, mais a vraiment subi un contre-coup et ça a été le début d'une répression tout au long des années 2000 en Italie et ce qu'on a pu voir en 2006 à Milan. C'est une répression continue du mouvement des milieux militants, du mouvement altermondialiste et des manifestants en général. Oui, c'est le maintien de l'ordre en fait qui est mis en place en fait depuis plusieurs années. Et ça, c'est ce qu'on retrouve actuellement en France. On est sur un même parallèle, même si à l'époque la France en 2001 par exemple pour le G8 de Gênes, la France se vantait de ne pas faire de liste de militants, parce que l'Italie avait réclamé après les événements le mois précédent en Suède à Göteborg, le contre-sommet où il y avait eu beaucoup de manifestants et beaucoup de militants radicaux. L'Italie a demandé des listes aux autres pays européens de leur renseignement, de donner les fiches de renseignement, et la France à l'époque... Personne susceptible de participer à ce genre de manifestation. Exactement, et en 2001, la plus grande coopération qu'il y a, c'est entre l'Allemagne et l'Italie. La France est encore à l'écart, mais c'est ce qui va se mettre en place par la suite. Mais en 2001, par exemple, pour Gênes, c'est plus de 2000 manifestants qui sont interdits de rentrer à Gênes. Il y a une répression qui commence avant. Il y a des camarades grecs qui viennent en bateau, des camarades d'associations institutionnelles, des camarades qui faisaient partie du réseau des Tutti Bianchi, qui viennent par bateau et repartent en bateau le jour même, car ils ne peuvent pas poser pied à terre. C'est tout un processus répressif, comme tu disais, un maintien de l'ordre qui se construit. Et avec du coup des contrôles, tout un arsenal répressif, comme tu dis, autour des personnes, qui pourraient éventuellement dégrader l'image. C'est ça, la belle ville de Gênes, voilà. Le centre-ville historique de Gênes, qu'il fallait protéger à tout prix. Et les grands de ce monde qui se cachaient derrière leurs barrières. Et si pour revenir sur le mandat d'arrêt européen, y a-t-il des pays où ce mandat a été cassé ? Est-ce que vous avez des exemples qui, justement, si on reste sur une procédure juridique, qui serait un peu comme une jurisprudence à... On a pu le sortir juste avec le travail mené par les avocats et le comité. On a trouvé un mandat d'arrêt européen qui porte justement sur une peine de dévastation et saccage qui a été cassée. C'était un mandat d'arrêt européen émis en 2016 par l'Italie et qui, au sujet d'un Grec qui était en Grèce, au sujet de la manifestation contre l'exposition universelle de Milan en 2015 ou 2016. En 2015, je crois. 2015, il y a l'exposition universelle de Milan, il y a une contre-manifestation à cette exposition. Il y a une manifestation, il y a quelques vitrines qui sont cassées, et l'Italie remet le couvert sur la répression judiciaire et cherche à arrêter des militants, et notamment des militants étrangers. Ils demandent à la Grèce de leur remettre un de leurs citoyens, et la Grèce refuse par rapport aux questions de la proportionnalité des faits. Car on ressort le code Rocco, on ressort l'infraction de dévastation et saccage, et la Grèce décide que cette Infraction, dévastation et saccage ne peut correspondre à ce que l'Italie a mis dans le mandat d'arrêt européen pour que le citoyen vienne se, le grec vienne se, le militant grec vienne se faire juger en Italie. Les preuves posées dans le mandat d'arrêt européen pour justifier son envoi en Italie ne correspondent pas à l'infraction qui lui est reprochée, et à travers ça, l'État grec, la justice grecque, décide de casser ce mandat. Il y a aussi, je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il y a aussi une histoire de présomption d'innocence. Ouais, c'est la question. Je ne sais pas si ça a lieu dans cette affaire-là ou une autre affaire, mais du coup, dans le code ROCO, en fait, simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de participer à une manifestation peut faire que ce n'est accusé des dégradations qui ont lieu pendant cette manifestation-là. Mais du coup, c'est un concours moral, comme on l'a dit, c'est quelque chose de collectif. Or, en fait, le jugement est individuel. Ça pose un problème juridique clair de droit classique. C'est la question du droit individuel face à la responsabilité collective. À quel moment on est responsable de quelque chose dont nous ne sommes pas les acteurs, dont nous n'agissons pas. Et là-dessus, clairement, le concours moral établi par le code ROCO et par l'infraction de dévastation et saccage pose un problème de présomption d'innocence. Le fait d'être à sa fenêtre lors d'une émeute, sommes-nous responsables de cette émeute ? Des questions là. Oui, le fait d'être présent. Parce qu'on sait, tous et toutes que quand il y a ce type de pratique, il y a les personnes qui pratiquent, et puis il y a aussi de la curiosité. Voilà. Et la curiosité, ça ne veut pas dire que l'on cautionne, c'est que ça, c'est simplement de la curiosité en soi, et c'est la présence, et c'est même la présence qui est questionnée, quoi. On peut poser la question de la présence d'un journaliste. Mm-hmm. Le fait d'être présent, de médiatiser, est-il responsable des événements qui ont lieu ? Sa simple présence, ça pose énormément de questions. Juste de présomption d'innocence, de droits individuels, de droits fondamentaux, de la liberté de manifester. Aujourd'hui, en France, ça nous paraît presque banal de voir ces atteintes à ces libertés fondamentales qu'est la liberté de manifester, notamment. Mais il y a quelques années, en 2001, même en Italie, en France, c'était des questions qui étaient importantes et des questions sur lesquelles, normalement, on ne transigeait pas. Malheureusement, avec le contexte qu'il y a du terrorisme, notamment à partir du 11 septembre 2001, clairement qui intervient 2 mois après Gênes, avec les attentats en France, ces libertés fondamentales sont peu à peu reniées, sont peu à peu remises en cause. Un état d'urgence permanent se met en place dans le droit commun. Et ça nous paraît normal, mais il faut savoir que ces choses-là sont exceptionnelles, ne sont pas forcément justifiées à tout prix, et qu'il faut peut-être se poser des questions là-dessus. Ouais, c'est que l'exception devient la permanence, d'une certaine manière, quoi. Et parce que tout à l'heure, tu parlais du rapport au passé, c'est très étonnant qu'effectivement, entre guillemets, une démocratie, même parlementaire, puisse aller chercher au fin fond des textes ce code qui, comment dire, est ressorti un peu comme ça. Comme ça, du jour au lendemain. Cette infraction de dévastation et saccage qui vient du code pénal de ROCO, qui, selon les avocats italiens, n'avait pas été utilisé pendant près de 80-90 ans, en fait, n'avait pas disparu pour autant. Le code ROCO, ce code pénal, c'est toujours la base du droit en Italie. C'est toujours Il est toujours présent, sauf qu'en fait, il n'avait pas été utilisé. Il n'avait pas été utilisé. C'est la base même de la conception du droit italien. Quand tu dis du droit, c'est du droit moderne ou du droit moderne italien. Mmh. C'est qu'il n'y a pas eu une remise en cause totale à la fin à la chute de Mussolini, à la mort de Mussolini. Il n'y a pas eu une remise en cause du droit pénal, du droit qui avait été mis en place durant sa période. Malgré ça, par l'infraction de dévastation et saccage, n'avait pas été utilisé pendant des dizaines d'années. Peut-être parce que la mémoire fasciste était encore trop présente. quand elle ressort pour la première fois, c'est à la fin des années 90, c'est contre le... En même temps, si elle n'est pas remise en cause, c'est qu'elle est aussi présente. Elle est toujours présente en latence. Il y a les deux côtés, on peut voir ça de façon différente. Moi, je suis pas italien. Non, non, mais oui, je vois ça comme ça. Il y a un rapport à l'histoire qui, clairement, n'a pas été digéré. Il y a un rapport à l'histoire fasciste qui n'a pas été remis en cause. Ça se passe en Italie, mais en France... on peut également poser des choses, notamment dans le concept de maintien de l'ordre en France. On a un héritage très clair des années vichistes qui n'a jamais été remis en cause et qui peut être réactivé à n'importe quel moment. C'est que l'histoire se répète des dizaines d'années après. On peut faire une petite pause musicale et on se retrouve après. On est de retour dans l'émission du magazine Libertaire, toujours avec Germain qui voulait revenir sur les derniers, ce qui se passera d'ici le 15. Les dernières infos du comité. Donc tout le monde est toujours ultra déterminé. Là, je reviens de Rochefort en Terre et les gens abattent un travail monstre chaque jour. Et ce qui va se passer, c'est que donc le 15 novembre, après l'audience qui a eu le 24 octobre jeudi dernier. Le 15 novembre a lieu le délibéré. Le délibéré est rendu. On ne sait pas encore dans quel format, mais toutes les informations seront sur la page de soutien Comité de soutien à Vincenzo et sur la page Facebook de Comité de soutien à Vincenzo. Entre-temps, nous allons mettre en place tout un travail quotidien d'information autour de Gênes, autour des événements, autour du procès, qui vont avoir lieu à partir du début novembre. Chaque jour, des témoignages seront présents sur le site du comité et sur la page Facebook, des témoignages de manifestants, de personnes présentes à Gênes, et également des informations si vous voulez en savoir plus sur ces événements qui seront disponibles chaque jour, jusqu'au délibéré. D'accord, donc il y a déjà beaucoup d'informations sur le site du comité. On invite les auditeurs à aller sur ce site qui est comité-soutien-vincenzo.org. On le mettra en lien sur le podcast de notre émission. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je voudrais vous remercier d'avoir invité le comité aujourd'hui et d'avoir pu nous permettre de prendre la parole. Et voilà. Merci à toi. Y a-t-il moyen de contacter Vincenzo? Comment on peut lui écrire? Vincenzo, vous pourrez trouver sur le site du comité que vous venez de citer, vous trouverez son adresse à Vezin-le-Coquet. Et n'hésitez pas à lui écrire, et à écrire généralement aux personnes emprisonnées. C'est quelque chose de fondamental pour eux, pour garder un lien avec l'extérieur. Donc si vous voulez écrire à Vincenzo, rendez-vous sur le site du comité de soutien, et voilà. Bien, merci Germain. Merci à vous. On refait une petite pause musicale? Oui. Faut parler tout bas quand t'es bien élevé. Moi je parlais tout bas, là je vais arrêter. Le silence des fois, faudrait l'exécuter. L'ambiance dérapage à tous les étages, je balancerai bien mes petits ressentiments. Mais pareil, je suis une fille et une fille n'en a pas de ça. Moi j'ai une drôle de rage et je sais plus quoi en peur, on survit. La mémoire, des fois, c'est un sport de combat. J'ai une rage de tête qui me fait assez mal. Armé en dedans, je deviens illégal. Mais pareil, je suis une fille. Une fille n'en a pas. Exécution sommaire dans le silence le plus exemplaire. Dans les caves, les familles et même en pleine lumière. Le silence c'est la guerre, le silence c'est. Et il paraît que je suis une fille et une fille n'en a pas de ça. Moi j'ai une drôle de rage et je sais plus quoi. Vous êtes de retour dans l'émission du magazine Libertaire et c'est l'heure des annonces. Donc Germain, tu avais une annonce. Oui, je voudrais reprendre la parole juste pour préciser que jeudi demain à Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, il y a une projection de Black Bloc, suivie d'une discussion. Donc n'hésitez pas à venir au Café de la Pente à Rochefort-en-Terre, voir ce village préféré des Italiens. Comment on peut vous contacter au Café de la Pente? Y a-t-il un site, un mail? Il y a des mails qui sont présents sur Internet, comme pour le comité de soutien, il y a également un mail. Il y a un site et du coup il doit y avoir un mail en contact. Une page Facebook également. Ah. D'accord. On n'est pas encore sur Instagram, mais peut-être tout ça viendra. Ça va arriver. Sur Facebook. autrement, donc c'est tout à l'heure à 19h du côté de Pollen, donc 11 rue des Olivettes, Nantes. Il y a les Dévoreuses, donc c'est une librairie féministe qui organise une permanence à Pollen. Voilà. Donc si vous avez envie de vous renseigner ou alors d'apporter des documents, que ce soit bande dessinée, livre, brochure, donc vous pouvez passer à Pollen et prendre un moment avec elle. Voilà. Dans les annonces, moi j'en ai une pour jeudi, donc c'est demain. Et demain, il y a un atelier Labo Fiction, des ateliers de l'Antémonde. Cet atelier Labo Fiction, en fait, il fait référence au bouquin Bâtir aussi, dont on a déjà parlé ici, la semaine dernière, il me semble, et dont vous pouvez écouter, que vous pouvez écouter sur Jet FM tous les vendredis matin à 9h45. Et du coup, l'objectif de l'atelier, c'est de prolonger en fait ensemble des imaginaires. Et peut-être je ne vais pas expliquer plus, parce qu'on a beaucoup d'annonces et pas beaucoup de temps. Mais donc c'est à la dérive, 1 rue du Guérobert, demain à 19h. Alors demain à 18h, il y a la nuit des chômeurs vivants. Le comité national, alors ça, le rendez-vous est à Place du Commerce, le comité national CGT chômeurs précaires avec les comités locaux ont décidé d'impulser des actions sur tout le territoire. Le jeudi 31 octobre concernant les nouvelles dispositions de l'assurance chômage. Donc le comité privé d'emploi, comité CGT chômeurs privé d'emploi et précaires Nantes 44 propose pour cette soirée d'Halloween et veille de l'application partielle des décrets anti-chômeurs, une déambulation suivie d'une veillée avec cercueil et bougie. Donc c'est à 18h. On vous laisse découvrir demain soir à 18h, Place du Commerce à Nantes. Avec le rendez-vous est à 18h et le départ de la déambulation est à 19h. Bon, je vais quand même le signaler, même si pour l'instant il n'y a pas plus de précision, mais ça, c'est quand même important. Donc ça, c'est du côté de Saint-Nazaire. Un collectif, donc le collectif antifasciste local, donc appelle à un rassemblement le lundi 4 novembre. Et par rapport au Centre d'études pour la Renaissance française, et ça, cette information a été divulguée sur le site du Renouveau français, donc l'ex-Front National. Voilà. Renouveau national, pardon, pas le Renouveau français, ça c'est autre chose, c'est notre époque. Rassemblement voilà. National. Rassemblement national. Voilà, donc ça c'est du côté de Saint-Nazaire et ça se déroulera le 4 novembre. Donc je pense qu'il y aura les infos un peu plus précises au dernier moment. Voilà. Alors samedi 2 novembre à partir de 14h, il y a les 10 ans du DAL. Ça se passe à Pollen, rue des Olivettes à Nantes. Avec donc il y aura des échanges sur l'habitat, les squats ou alternatifs, avec des personnes dont c'est le quotidien. C'est à partir donc de 14h des rencontres, des échanges sur les problématiques liées au logement et pour aborder la défense du droit à un logement pour tous. À 16h30, il y aura un théâtre forum animé par le Théâtre de l'Opprimé, qui permettra d'aborder certains sujets de façon participative et à partir de 21h, des concerts avec Antifiasco et M-Market. Et l'entrée est à prix libre, il y aura un bar et une restauration sur place. Dimanche, moi j'aime bien les annonces radio. Dimanche, c'est l'émission Casse-Muraille, dont on a aussi déjà parlé au magazine Libertaire. C'est tous les dimanches midi et c'est une émission qui s'adresse aux détenus et à leurs proches pour qu'ils et elles puissent se transmettre des messages sans que l'administration pénitentiaire ne s'en mêle. C'est aussi une émission contre la prison pour rompre l'isolement, contourner la censure et témoigner de ce qui se passe entre les murs. Voilà, du coup c'est dimanche, c'est de midi à 13h sur JetFM 91.2 à Nantes. Et vous pouvez laisser des messages pendant l'émission. On va pas dire le numéro là, mais voilà, vous pouvez le retrouver facilement sur internet, sur nantes.indymedia.org ou sur la page Facebook de Casse-Muraille. Alors j'ai une dernière annonce, c'est le jeudi 7 novembre à 20h sur Rennes, il y a une soirée de soutien avec les travailleurs Chronopost sans papier, dont nous avons parlé il y a quelques émissions de ça ici. Nous avons diffusé un reportage audio. Depuis le 11 juin, les chronos d'Alfortville sont en grève pour leur régularisation et leurs conditions de travail. Donc, comme je l'ai dit, il y aura une soirée, un repas de soutien à la maison de quartier de Villejean, à Rennes, avec une délégation des chronopostes en lutte d'Alfortville et des membres du collectif Sans Papier du 20e arrondissement de Paris. Donc ça, c'est le jeudi 7 novembre à 20h. On reviendra dessus la semaine prochaine. Et j'en ai fini, moi, avec les annonces. Je ne sais pas si vous avez d'autres des choses à rajouter ou d'autres annonces à faire. Pas dans l'immédiat. Eh bien, je pense que cette émission se termine pour aujourd'hui. On vous dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine à 12h05 sur JetFM. À bientôt, merci. Au revoir. Salut. Serenata ieri fa pagare.